car peu importe leur devise. Ta petite vie n'y était pour rien. La terre a tremblé près d'ici. Un seul bruit, moins de vie. La terre a tremblé près d'ici. Un seul bruit, moins de vie. Quelque part, des gens décident. Quelque part, ces gens punissent. Tu es ici, tu ne soupçonnes rien. Quelque part, des gens décident. Quelque part, ces gens sévissent. Mais les fautifs sont si loin. La terre a tremblé près d'ici. Un seul bruit. La terre a tremblé près d'ici. Un seul bruit, moins de vie. Quelque part, on les méprise. Pour ceux qui tuent sans se salir les mains. La terre a tremblé près d'ici.